Voyage aux Indes occidentales de M. Anthony Trollope par Auguste Logel. M. Anthony Trollope est l'auteur de romans très justement estimés, récemment chargé par le gouvernement anglais d'une mission relative aux communications postales entre la Grande-Bretagne et les Indes occidentales. Il a consigné le résultat de ses observations dans un volume où, à défaut de documents scientifiques ou géologiques nouveaux, on rencontre des appréciations, des descriptions qui révèlent un esprit brillant et original, et dont le tour piquant prête un grand charme à des sujets d'ailleurs pleins d'intérêt. La situation des colonies anglaises, depuis le grand et généreux acte d'émancipation qui a modifié la vie sociale et les conditions du travail, le tableau de la colonie espagnole exposée aux convoitises des Américains, celui des provinces de l'Amérique centrale, par où s'effectuent les communications entre les États-Unis de l'Atlantique et les riches provinces baignées par l'océan Pacifique, tous ces thèmes variés se développent dans l'ouvrage de M. Trollope avec élégance et clarté, à travers des anecdotes pleines d'esprit et des dissertations d'économie politique sans lourdeur. Parti le 17 novembre 1858 sur l'Atrato, paquebot de la Royal Mail Steam Packet Company, notre voyageur arriva le 2 décembre à l'île Saint-Thomas. Cette petite île qui appartient au Danemark, elle relais principal de la Compagnie royale dans les mers des Antilles. Voulez-vous aller de la Demerara dans la Guyane anglaise à l'isthme de Panama? Il faut passer par Saint-Thomas. De Panama à la Jamaïque ou à Honduras, par Saint-Thomas. De Honduras et la Jamaïque à Cuba ou Mexico, par Saint-Thomas. De Cuba aux Bahamas, toujours par Saint-Thomas. Sans s'y arrêter, M. Trollope partit immédiatement pour Kingston, le port principal de la Jamaïque. Quelques extraits feront connaître cette ville. Le port de Kingston est une grande lagune formée par un long banc de sable qui s'étend dans la mer, commence à 3 ou 4 milles au-dessus de Kingston et reste parallèle à la côte jusqu'à 5 ou 6 milles en dessous de la ville. Ce banc de sable se nomme les Palissades et à l'extrémité se trouve Port Royal. C'est le siège de la suprématie navale de la Grande-Bretagne dans les Indes occidentales. C'est là qu'est le vaisseau pavillon. On y trouve un dock, un hôpital, des piles d'encre invalides et tous les accessoires habituels d'un semblable établissement. Kingston est une ville mal bâtie, sans trottoir, sans éclairage. On ne songe pas à y marcher à pied, tant la chaleur y est accablante. Mais cette ville a l'air encore moins morne que Spanish Town, la capitale officielle de l'île, située à 13 milles de Kingston et où l'on se rend par chemin de fer. C'est là que vit le gouverneur. Là vivent aussi les satellites ou lunes qui entourent le luminaire central, c'est-à-dire les secrétaires et les ministres. Le conseil législatif et la chambre y tiennent leurs sessions. La ville, malgré son lustre officiel, est une ville de mort. Dans ses longues rues, on ne voit passer aucun habitant. Ça et là, on aperçoit qu'une négresse assise à une porte ou un enfant solitaire qui joue dans la poussière. À la Jamaïque, il vaut mieux, comme dit M. Trollope, être rat des champs que rat des villes. La contrée est admirable, et le voyageur est consolé par la nature de la cherté des voyages, de l'absence d'hôtels et du mauvais état des chemins. Une partie de l'île est consacrée à la culture de la canne à sucre, mais la plus grande portion est encore couverte de forêts vierges et de jungles. Ça et là, en voyageant, on aperçoit les jardins ou réserves des nègres. Ce sont des lots de terrain qu'ils cultivent, pour lesquels ils payent quelquefois un loyer, mais où assez souvent ils s'installent sans rien payer. Ces réserves sont très pittoresques. Elles ne sont point remplies, comme un jardin de paysans en Angleterre ou en Irlande, de pommes de terre ou de choux. Mais elles contiennent des cocotiers, des orangers, des mangos, des arbres à pin, et une quantité d'autres arbres à la végétation luxuriante, d'une grande taille et d'une remarquable beauté. L'arbre à pin et le mango sont charmants, et je ne connais rien d'aussi beau qu'un verger d'oranger à la Jamaïque. Ils ont en outre le yam, qui est au nègre ce que la pomme de terre est à l'irlandais. On n'en mange, comme pour la pomme de terre, que les racines, mais la partie supérieure, formée de tiges grimpantes, est soutenue comme nos vignes. Je n'oublierai jamais le jour où je vis pour la première fois la végétation tropicale dans toute sa splendeur. Peut-être le plus précieux de tous les arbres est le bambou. Il croît ou en bouquet, comme les groupes d'arbres qu'on voit dans les parcs anglais, ou, ce qui est plus commun quand on le trouve à l'état indigène, en longues allées le long des cours d'eau. Le tronc des bambous est un large tube creux, et non de feuilles qu'au sommet. Leur grande élévation, la grâce de leurs courbes, l'extrême épaisseur de leur feuillage, qu'ils marient en se groupant par centaines, produisent un effet que rien ne peut surpasser. Le cotonnier est presque aussi beau quand il est isolé. Le tronc de cet arbre s'élève majestueusement et a de magnifiques proportions. Il est ordinairement droit et n'étend ses branches qu'à la hauteur où atteindrait la cime de nos arbres ordinaires. La nature, pour supporter une semblable masse, l'a armé de larges racines qui s'élèvent comme des contreforts jusqu'à 20 pieds au-dessus du sol. J'en ai mesuré plus d'un, qui avec ses racines avait plus de 30 pieds d'épaisseur. Du sommet, les branches s'étendent avec une luxurieuse profusion et couvrent un espace immense de leur ombre. Mais ce qui donne le caractère le plus frappant à ces arbres, ce sont les plantes parasites qui les environnent et qui sont suspendues de leurs branches jusqu'au sol en lianes d'une force étonnante. Ces parasites sont de plusieurs sortes. Le figuier est un de ceux dont les embrassements sont le plus vivaces. Souvent il est si développé que l'arbre lui-même disparaît et qu'on ne s'imagine plus qu'il soit au-dessous. Quelquefois, les parasites étouffent l'arbre avant qu'il ait pu atteindre toute sa croissance. Mais quand il a pu se développer à temps, ils ne font plus que l'orner. Chaque branche est couverte d'une merveilleuse végétation, de plantes de 1000 couleurs et de 1000 espèces. Les unes tombent en longues et gracieuses lianes jusqu'au sol, les autres pendent en boules de feuilles et de fleurs entremêlées. Après la contrée, il faut bien parler des habitants. La race blanche et la race noire, désormais affranchies, se trouvent en présence. En lisant les jugements que porte sur elle M. Anthony Trollope, on sent trop qu'il obéit quelquefois, sans le savoir peut-être, à l'influence des planteurs avec lesquels il s'est trouvé naturellement plus en contact. Il se rend l'écho de leurs regrets, de leurs passions. Il oublie trop souvent que le mal ne peut s'effacer en un jour, et que l'esclavage est une très mauvaise préparation à l'exercice de la liberté. Ces restrictions faites, voyons comment M. Trollope apprécie noir, homme de couleur et blanc, et quelle idée il se fait de l'avenir de cette population mélangée. Aucun Anglais, aucun Anglo-Saxon ne serait ce qu'il est aujourd'hui sans cette portion d'énergie sauvage qui nous vient de nos ancêtres vandales. N'est-il pas permis de supposer qu'un temps viendra où la race qui habitera ces îles charmantes, formées par la nature pour leur brûlant soleil, aura dans son sang une portion de l'énergie morale du Nord, et devra sa force physique à des ancêtres africains. Cette race alors ne sera pas plus honteuse du nom de Noir que nous ne le sommes de celui de Saxon. Mais que faire en attendant de notre ami le Noir, à son aise couché sous le cotonnier et refusant de travailler après 10 heures du matin? Non, merci, maître. Fatigué maintenant, pas besoin d'argent. Telle est la réponse que le planteur suppliant reçoit quand, vers 10 heures du matin, il prie son voisin noir de retourner dans le champ de canne et de gagner son second shilling, ou quand il le prie de travailler plus de 4 jours par semaine, ou le supplie à Noël de se contenter de 10 jours de loisirs. Ses cannes sont mûres, il faut les porter au moulin, mais qu'importe au nègre? Non, moi plus travailler. Et qui peut blâmer le noir? Il est libre de travailler, libre de ne pas le faire. Il peut vivre sans travail, s'étendre au soleil, sucer des oranges, manger des patates, oui, et peut-être monter à cheval, et porter un gilet blanc et une chemise en pesée le dimanche. Pourquoi se soucierait-il du planteur? Je n'irai pas nettoyer des cannes pour une demi-couronne par jour. Pourquoi lui demanderais-je de le faire? Je puis vivre sans cela, lui aussi. Le noir n'est pas voleur. Les domestiques, qui sont tous noirs, ne dérobent jamais rien. M. Trollope assure qu'on peut impunément laisser sur leurs mains argent, clés, tout ce qu'ils considèrent comme une véritable propriété. Mais les fruits de la terre n'ont pas ce caractère à leurs yeux. Ils se les approprient sans scrupule et vivent volonté de maraude. Leurs besoins sont aisément satisfaits et sans grand préjudice pour personne, sur une terre qui, sans culture, prodigue à ses habitants les fruits les plus variés et les plus savoureux. Le caractère de la population nègre a des côtés originaux, qui ne pouvaient échapper à un romancier tel que M. Trollope, habitué à rechercher ce qu'il y a de plus spontané dans les manifestations du cœur humain. Le noir a, si l'on me permet le mot, une drôlerie, un sentiment du pittoresque, une naïveté, une vivacité dans la passion qui le rend souvent fort intéressant. Je ne puis résister au plaisir de citer une anecdote que raconte M. Trollope et où se peignent très bien tous ces traits particuliers de la race. Monsieur Trollope se trouvait dans une petite auberge de Port Antonio, assis après dîner dans le salon. « Je vis, dit-il, entrer une jeune demoiselle habillée tout de blanc. Elle était, ma foi, fort bien mise, et ni crinoline ni ruban ne faisaient défaut. Elle appartenait à la race noire, et ses cheveux d'un noir de jais, cotonneux et pourtant ondés, étaient, suivant la mode, peignés en arrière. D'où elle venait et qui elle était, je l'ignorais et je ne l'ai jamais appris. Elle était, je pense, en termes familiers dans la maison. Je le présumais en la voyant remuer les livres et les petits ornements sur la table et arranger des tasses et des coquillages sur un rayon. « Hélas !» se mit-elle à dire quand je l'eus observée pendant une minute environ. Je savais à peine comment l'accoster, et pourtant il fallait être poli. « Ah oui, hélas » répéta-t-elle. Il était aisé de voir qu'elle avait un chagrin à raconter. « Madame, lui dis-je, je ne savais, faute d'introduction, comment commencer mon discours. « Madame, je crains que vous n'ayez quelque chagrin. »« Du chagrin, dit-elle, je suis dans la plus profonde affliction. Hélas, enfin, le monde doit finir un jour. » Et tournant son visage droit sur le mien, elle croisa ses mains. J'ai été assis sur un sofa. Elle vint s'asseoir près de moi, croisant ses mains sur ses genoux et regardant le mur opposé. « Oui, tout doit finir un jour pour nous tous, répondis-je, mais pour vous, tout commence à peine. » « Ceci est un bien méchant monde, et le plus tôt fini le meilleur. Être ainsi traité, briser ainsi le cœur d'une jeune fille, il est brisé, complètement brisé, je le sais bien. » Et en parlant ainsi, elle avait posé ses mains de façon à me laisser voir qu'elle n'avait pas oublié ses bagues. « C'est donc l'amour qui vous tourmente ?»« Non, » dit-elle brusquement, se tournant vers moi et plongeant ses yeux noirs dans les miens. « Non, je ne l'aime pas un brin, ni maintenant ni jamais. Non. » Si je le voyais là, suppliant. » Et elle frappa son petit pied par terre, comme s'il y avait un coup imaginaire sous son talon. « Mais vous l'avez aimé, oui. » Ici, elle se mit à parler très doucement, en remuant gentiment sa tête. « Je l'ai aimé, oh, tant aimé. Il était si beau, si charmant. Jamais je ne verrai un tel homme. Des yeux, une bouche, et puis un si beau nez. C'était un juif, vous savez. » Je ne l'avais jamais su et je l'appris peut-être avec une légère surprise. C'était bien fait, n'est-ce pas? Moi qui suis baptiste, vous savez. On m'a expulsé de la congrégation, je le sais bien. Mais je ne m'en souciais bien. Il se mit à frapper gentiment une de ses mains avec l'autre en souriant. C'est une manie des femmes de couleur dans ce pays quand elles sont engagées dans une conversation agréable. À ce moment, je commençais à me sentir assez intime pour lui demander son nom. Joséphine est mon nom. « Aimez-vous ce nom ? Il est presque aussi joli que celle qui le porte. »« Joli ? Non, je ne suis pas joli. Si j'étais joli, il ne m'aurait pas laissé là. Il a promis à une autre de l'épouser. Mais peut-être la trompera-t-il aussi. » Il était facile de voir que cette idée ne lui déplaisait pas. « Alors il vous reviendra ? Oui. Oui, je lui cracherai à la figure. » Et dans la furie de son esprit, elle exécuta positivement le simulacre de sa vengeance. « Je voudrais qu'il revînt. » Je m'assierai ainsi et j'écouterai. » Il croisa ses mains et prit un air de calme dignité qui lui convenait fort. J'écouterai chaque mot, comme cela, jusqu'à ce qu'il eût fini, et puis je sourirai. Et elle sourit. Et puis il m'offrirait sa main. Et elle étendit la sienne. Et puis je lui cracherai la figure et tournerai le dos. Et se levant majestueusement, elle sortit rapidement de la chambre. Comme elle fermait la porte derrière elle, je crus que l'entrevue était terminée, et que je ne reverrai plus ma jeune amie. Mais je me trompais. La porte fut bientôt rouverte, et elle se rassit à côté de moi. « Votre cœur, lui dis-je, vous permettrait de faire de semblables choses? Et à un homme qui a un si beau nez? Oui, je me mépriserais maintenant si je le reprenais, fût-il encore plus beau. Mais je suis sûr d'une chose, je n'aimerai jamais aucun autre, jamais. Il dansait si bien. » Le goût de la parure est, comme on sait, très développé dans la race noire. Il n'y a rien de plus étonnant que le costume des femmes. Il est impossible de le refuser, dit M. Trollope, beaucoup de goût et une grande faculté d'assimilation. En Angleterre, parmi nos femmes de chambre et même nos filles des champs, la crinoline, les fleurs artificielles, les longues tailles, les manches flottantes sont devenues communes. Mais elles ne les portent pas comme si elles y étaient habituées. Elles ont généralement dans leurs habits de dimanche quelque chose d'emprunté. Chez les négresses, rien de pareil. D'abord, elles ne connaissent pas la honte. Ensuite, elles ont généralement de belles proportions et savent les faire valoir. Leurs costumes, les jours de fête et les dimanches sont assurément merveilleux. Elles ne se contentent pas de calicots imprimés. Il leur faut des mousselines et des soies légères. Je ne sais à combien le mettre. Elles portent des robes d'une énorme ampleur. On peut voir, par un dimanche matin, trois dames occupées toute la largeur d'une rue, qui le jour précédent frottaient de la vaisselle ou portaient des poids sur leur tête dans la ville. Cela ne les empêche pas de se promener dans leurs belles toilettes comme s'ils n'avaient porté rien d'autre depuis l'enfance. Un dimanche soir, j'étais très loin dans la campagne à cheval avec un planteur qui me promenait dans sa propriété. Je vis passer une jeune fille qui s'en revenait à pied de l'église. Elle était, des pieds à la tête, vêtue de blanc. Elle avait des gants et tenait un parasol ouvert. Son chapeau de paille était aussi clair, orné de dentelles blanches. Elle marchait avec une majesté digne d'un tel costume. Par derrière venait sa suivante portant le livre de prière de la jeune personne sur la tête. Une négresse porte tout sur la tête, depuis la cruche remplie d'eau qui pèse son livre, jusqu'à une bouteille de pharmacien. Quand nous arrivâmes près d'elle, elle se retourna et nous salua. Elle salua car elle reconnut son maître, mais avec beaucoup de dignité, car elle avait conscience de sa belle toilette. La fille qui suivait derrière elle avec le livre de prière fit la révérence ordinaire, en se baissant puis se relevant plus vite que la pensée. « Qui est cette princesse ? » dis-je à mon compagnon. « Vous voyez deux sœurs qui travaillent toutes deux à mon moulin, » dit mon ami. « Dimanche prochain, les rôles vont changer. Polly aura le parasol et le chapeau, et Jenny portera le livre de prière derrière elle sur sa tête. » La race mêlée est celle qui paraît à M. Trollope destinée à recueillir l'héritage de la prospérité des anciens planteurs. Le mulâtre, bien qu'il soit sous certains aspects une détérioration du nègre, sous d'autres du blanc, l'emporte aussi sur tous deux sous certains rapports. En règle générale, il ne peut pas travailler comme fait le noir. Il ne pourrait pas rester dans les champs de canne pendant 16 heures sur 24, comme fait l'esclave de Cuba. Mais il peut travailler sans danger sous un ciel tropical et faire une bonne journée. Il n'est pas sujet à la fièvre jaune comme le blanc, et il est aussi protégé par sa constitution contre les effets de la chaleur que le climat l'exige. Il n'y a pas encore eu, que nous sachions, de Galilée, de Shakespeare parmi les mulâtres. Il est possible même qu'il y en ait peu qui puissent se rendre un compte exact du génie de tels hommes. Mais nier que le mulâtre ait une large part de l'intelligence et de l'ambition de ses ancêtres blancs, c'est, je crois, une sottise et de plus une méchanceté, parce qu'une telle assertion ne peut naître que d'un injuste désir de leur fermer les portes du progrès. Les hommes de couleur se rattachent par toutes les nuances possibles, d'une part au noir, de l'autre au blanc. Les 9/10 ne peuvent pas cacher leur origine, mais il y a une petite fraction qu'un œil exercé seul peut distinguer de la race blanche. Malheureusement, la jalousie des planteurs et les préjugés maintiennent des barrières qui survivent aux lois qui consacraient jadis l'inégalité des races. L'avenir appartient pourtant aux hommes de couleur. On en compte plus de 70 000, tandis qu'il n'y a que 15 000 blancs. Et si l'émancipation peut attirer encore dans les Indes occidentales des coolies ou des Chinois, il n'y attire plus d'Européens. L'homme blanc a passé là, il a laissé sa trace, il a maintenant d'autres provinces à conquérir. Heureusement, dit M. Trollope, les hommes de couleur sont capables des travaux les plus élevés comme les plus humbles. Ils y réussissent au grand dépit de la classe qui s'estime supérieure. Ils gagnent de l'argent et savent en jouir. Ils savent être hommes d'État, avocats, médecins. Qu'un étranger se promène dans les boutiques de Kingston, il verra combien d'entre elles appartiennent à des hommes de couleur. Qu'il aille au Parlement, et il verra quel rôle ils jouent dans les débats. Pour les Blancs, la Jamaïque n'est plus ce pays de cocagne où l'on accumulait jadis, grâce au travail servile, des richesses colossales en peu d'années. Ni duc ni comte ne viennent plus gouverner l'île avec grand apparat. Le gouvernement n'en est guère plus recherché que celui de la Nouvelle-Zélande ou de la Colombie anglaise. La main-d'œuvre fait défaut aux planteurs. Il y a trop de montagnes, de pays pastoral dans l'île, pour que les 300 000 Noirs qui s'y trouvent aujourd'hui soit forcé de venir demander du travail dans les champs de canne. Disons ensuite que la compétition de Cuba, du Brésil, de Porto Rico, des États-Unis, où l'esclavage existe encore et prend chaque jour plus d'extension, est désastreuse pour la Jamaïque. une récolte abondante à Cuba peut, dans certaines années, abaisser le prix du sucre à un taux ruineux pour le planteur de la colonie anglaise. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis suffirait pour rendre aux Indes occidentales leur ancienne splendeur. Quittons les Grandes Antilles sans nous arrêter à Cuba, où nous reviendrons un jour, et entrons dans les Petites Antilles dont l'archipel s'étend en ligne recourbée depuis Porto Rico jusqu'à la Guyane anglaise, à l'embouchure de l'Orénoque. Passons rapidement devant Saint-Thomas, Saint-Christophe, communément nommé Saint-Kitts et Nevis, petite colonie prospère qui exporte chaque année plus de sucre. De Nevis à Antigua, on aperçoit l'îlot de Montserrat. Antigua a un excellent port nommé English Harbour, qui autrefois servait de station navale. De là, on arrive à la Guadeloupe, et après avoir longé la Dominique, à la Martinique, qui est aussi française. Nous retrouvons dans ces îles, dit M. Trollope, les riches et sauvages beautés des admirables îles de la mer des Caraïbes. Les montagnes groupées dans les deux colonies françaises sont très belles, et les collines sont couvertes jusqu'à leur sommet de la plus admirable végétation. Dans chacune de ces îles, on est frappé par la grande supériorité des villes principales sur celles des colonies qui nous appartiennent. Celle de la Guadeloupe se nomme Basse-Terre, et la capitale de la Martinique est Saint-Pierre. Ces villes offrent un contraste avec Roseau et Port-Castries, les localités les plus importantes des deux îles adjacentes anglaises de la Dominique et de Sainte-Lucie. On débarque dans les ports français sur d'excellentes jetées par des escaliers commodes. Les quais sont ombragés par des arbres, les rues propres et en bon état. Les boutiques montrent que le commerce est prospère. Des conduits amènent de l'eau courante dans la ville. Les colons français, créoles ou européens, considèrent les Indes occidentales comme leur pays. Ils ne tournent pas sans cesse un œil de regret sur la France. Ils se marient, ils travaillent, ils bâtissent pour la colonie et pour la colonie seulement. Chez nous, il en est autrement. On considère nos colonies des Indes comme un logis temporaire qu'il faut déserter dès qu'on a gagné assez d'argent en faisant du sucre et de la mélasse. La Dominique et Sainte-Lucie exportent chacune annuellement 6000 tonnes environ de sucre, la Martinique jusqu'à 60 000. C'est depuis 1814 que la Martinique et la Guadeloupe, avec l'îlot insignifiant de Marie-Galante, ont été politiquement séparées de la Dominique et de Sainte-Lucie, bien que ces deux îles soient toutes françaises par le langage, les mœurs, la religion et même en partie par les lois. Au-delà de ce groupe intéressant, nous rencontrons Barbados, qui est comme la sentinelle avancée de la chaîne des Petites Antilles. Barbados, île toute anglaise, fière de sa richesse. Puis Saint-Vincent, qui jadis a, pendant quelque temps, appartenu à la France. On côtoie ensuite le petit archipel des Grenadines jusqu'à Grenada, le quartier général des fruits de la terre, comme l'appelle M. Trollope, où l'on mange les meilleurs ananas, oranges et mangos des Antilles. La capitale, Saint-Georges, est une ville bien bâtie, encore importante, bien que Grenada soit aujourd'hui bien déchue de son ancien rang. Nous arrivons enfin à la Guyane anglaise. Cette colonie est divisée en trois provinces, Berbice, Demerara et Essequibo, qui prennent les noms des trois grandes rivières du pays. Georgetown est la capitale de Demerara. La Guyane est une immense plaine de sol alluvial d'une extrême fertilité. Il n'y a d'autre limite à la production du sucre et du café que la quantité de main-d'œuvre disponible. Dès aujourd'hui, la Guyane a quelques raisons de se glorifier de ses efforts. Elle exporte plus de sucre et de rhum qu'aucune autre colonie des Indes occidentales. Barbados fournit à l'Europe 50 000 tonnes de sucre. Trinidad et la Jamaïque moins de 40 000. La Guadeloupe un peu plus de 50 000. La Guyane anglaise 70 000. Toute la contrée cultivée présente une particularité digne de notice. Les transports se font par eau non seulement des sucreries à la ville, mais des champs aux sucreries et même de champ à champ. Tout le pays est coupé par des drains qui sont nécessaires pour l'écoulement des eaux superficielles. Il n'y a point de pente naturelle, et sans des digues et des coupures, le pays serait submergé pendant la saison des pluies. Parallèlement aux drains circulent les canaux. Il y en a ordinairement un entre deux drains. Ces canaux ne séparent pas seulement de vastes champs et ne se trouvent pas à une très grande distance les uns des autres. Ils traversent chaque parcelle de façon que les cannes, une fois coupées, ne sont jamais transportés qu'à très petite distance. L'entretien de ces travaux est cher. Mais leur construction a dû exiger un travail immense. c'est l'œuvre des Hollandais. On peut se demander si aucune autre race aurait eu assez de patience pour exécuter un tel travail. C'est à la Guyane qu'on applique le plus largement, dans la fabrication du sucre, les méthodes perfectionnées qui permettent aux producteurs coloniaux, depuis l'abolition du travail servile, de retrouver leurs anciens profits. Veut-on avoir une idée des procédés employés dans cette fabrication? Voici la description qu'en donne M. Trollope. La canne est coupée après 14 mois environ de croissance. On la porte au moulin, où l'on en exprime le jus. La canne ne doit pas rester 2 jours coupée avant d'être écrasée. Il faut l'envoyer au moulin le lendemain de la récolte, ou si l'on peut, quelques heures après. À Demerara, les cannes sont toujours transportées au moulin par eau, à Barbados dans des charrettes traînées par des mulets, à la Jamaïque dans des wagons tirés par des bœufs, de même à Cuba. Un moulin se compose de 3 cylindres laminoirs. Les cannes passent entre 2 de ces cylindres. Le premier, par exemple, est celui du milieu, et le résidu, qu'on appelle le trash à la Jamaïque, magas à Barbados et à Demerara, revient entre le cylindre central et le 3e. Le jus descend dans une citerne. Les cylindres sont très rapprochés, au point qu'il semblerait impossible d'y faire pénétrer les cannes. Elles passent avec facilité, quand le moulin est fort et en bon état, avec difficulté dans le cas contraire, comme à Barbados. Les cannes donnent de 60 à 70% de jus, quelquefois moins de 60, rarement au-delà de 70. Le jus, qui est alors d'une couleur jaune sale et qui a apparemment la consistance du lait, est amené du moulin par un tube dans une vaste chaudière où on opère la défécation, opération qui consiste à y ajouter de la chaux pour en détruire l'acidité. Dans cette première chaudière, il est chauffé légèrement, puis on l'envoie dans d'autres chaudières où il est soumis à l'ébullition. On les nomme tâches à Barbados. Auprès de chacune se tient un homme avec une grande écumoire, occupé à ramasser toutes les impuretés qui flottent à la surface. Il y a de 3 jusqu'à 7 de ces chaudières. Au-dessous d'elles est un dernier bouilleur. C'est là que le jus devient saccharin. Dans les tâches, surtout dans les premières, la liqueur devient vert foncé. À mesure qu'elle se rapproche du bouilleur, elle s'épaissit et prend sa teinte bien connue, analogue à celle du thym. Près du dernier bouilleur se tient l'homme qui fait le sucre. C'est à lui de régler convenablement la chaleur. Quand la matière est à l'état convenable, on fait descendre dans la chaudière une autre chaudière qui s'y emboîte presque exactement. Le sucre s'y écoule et la remplit. Ce vase ainsi rempli est relevé. Au fond est une valve qui, une fois ouverte à l'aide d'une ficelle, laisse couler le liquide chaud. Cette chaudière mobile est manœuvrée par une grue et on l'amène en position pour faire écouler le sucre dans les grands réservoirs découverts où il se refroidit. À cette phase de l'opération, diverses méthodes sont mises en usage. L'ancienne routine consiste à faire simplement refroidir le sucre dans des réservoirs, puis à le verser dans des seaux à l'état demi-solide et enfin dans ce que l'on nomme les hogsheads. Dans les nouvelles méthodes plus avancées, le sucre, en sortant de la chaudière mobile, coule dans des sacs qui le filtrent. On l'élève ensuite à l'aide d'une pompe dans un grand réservoir où l'on opère le vide. Puis on le réchauffe et on le met dans des boîtes rondes qu'on nomme centrifuges, dont les côtés sont faits en toile métallique. On imprime à ces boîtes un mouvement de rotation d'une vitesse extraordinaire. Les molasses sont exprimées ainsi, à travers les parois, et laissent le sucre desséché et presque blanc. Il est alors tout prêt à être mis dans les hogsheads et chargé à bord des navires. Mais, avec le procédé ordinaire, les molasses se séparent du sucre dans le hogshead. Pour faciliter l'écoulement, on y plante des tiges qui communiquent avec des trous placés dans le fond pour qu'il se forme ainsi des canaux que les molasses puissent suivre. Les hogsheads sont debout sur des poutres placées à un pied les unes des autres. Au-dessous est un noir abîme où les molasses tombent. Il y a bien des procédés intermédiaires entre le très civilisé réservoir à évaporation dans le vide et le simple refroidissement. Le sucre se fait très rapidement quand les appareils sont bons. Un planteur de Demerara m'a assuré qu'il avait coupé ses cannes le matin et que son sucre était arrivé à Georgetown dans l'après-midi. Laissons derrière nous la Guyane anglaise, à laquelle M. Trollope promet un très brillant avenir, et suivons-le dans ses voyages. Le voici d'abord à Barbados, qui, ainsi que nous l'avons dit, fait partie des petites Antilles. Barbados, dit-il, est une très respectable petite île qui fait une grande quantité de sucre. Elle n'est pas pittoresquement belle, comme presque toutes les autres Antilles, et par conséquent présente peu d'attrait aux voyageurs. mais cette absence même de beauté scénique l'a préservée du sort de ses voisines. Un pays qui est coupé en paysages, qui se vante de ses montagnes, de ses bois, de ses cascades, qu'on admire pour ses grâces sauvages, est rarement propice à l'agriculture. Une portion de la surface dans de tels pays défie toujours les efforts du cultivateur. De plus, une telle contrée sous les tropiques offre toutes les séductions possibles aux nègres indépendants. À la Jamaïque, à la Dominique, à Sainte-Lucie, à Grenade, le nègre émancipé a pu chercher un établissement et devenir heureux. À Barbados, il n'y avait pas un pouce pour lui. Il a donc été obligé de continuer à travailler et à faire du sucre, à travailler tout autant qu'il faisait étant esclave. Il en est résulté que la main-d'œuvre a été abondante dans cette île, et dans cette île seulement, et que pendant la crise des Indes occidentales, elle a tenu bon et continue à produire. L'île n'a que 20 000 de long sur 12 environ de large, et la population par hectare y est plus élevée que dans la Chine elle-même. L'île compte 150 000 habitants, plus que les immenses plaines de la Guyane. Les nègres de Barbados sont très intelligents, en partie sans doute parce qu'ils sont constamment appliqués au travail. Les Bimo, c'est le nom que se donnent les habitants blancs, gagnent beaucoup d'argent, bien qu'ils emploient des procédés bien plus grossiers que ceux de Demerara, de Cuba, de la Trinité et même de la Jamaïque. Ils ne conservent la fertilité de leurs champs qu'à l'aide du guano. La terre est tellement épuisée que les cannes coupées ne repoussent plus aussi aisément que dans les autres Antilles. Dès la deuxième année, le rendement diminue d'une manière très sensible. L'habitude de brûler la bagasse aux cannes écrasées et de ne rien rendre au sol commence sur ce point à faire sentir ses effets. Que dirait-on en Angleterre de quelqu'un qui brûlerait sa paille? À cela, on dira que l'agriculteur anglais n'est pas dans la nécessité de brûler sa paille. Il n'a pas besoin de faire cuire son froment, ni ses moutons ou ses bœufs, tandis que le fermier de Barbados est tenu à faire cuire sa récolte. Mais pourquoi le fait-il avec le résidu même de ce que lui fournit sa terre? Il ne pourrait peut-être pas mettre de charbon directement sous ses chaudières, mais il pourrait les chauffer avec de la vapeur, ce qui reviendrait au même. Tout ceci s'applique non seulement à Barbados, mais à la Guyane, à la Jamaïque et aux autres îles. Partout, on brûle la bagasse. Mais nulle part, l'engrais n'est aussi nécessaire qu'à Barbados. On ne peut pas y mettre en culture du sol vierge quand on en a besoin, comme à la Guyane. Trinidad est la plus méridionale des Antilles et se trouve en face du delta de l'Orénoque. Elle étend deux pointes semblables à deux cornes vers le continent, de façon à former une sorte de petite mer intérieure comprise entre la terre ferme et l'île, qui se nomme le golfe de Paris. C'est dans cette baie que sont situées les deux villes, Port d'Espagne et San Fernando. Les détroits par où on arrive de l'océan dans le golfe sont extrêmement pittoresques, surtout du côté de Port d'Espagne. Cette ville elle-même est grande, très bien située, avec des rues à angle droit, comme on le voit dans toutes les villes neuves. Tout a été préparé pour une population beaucoup plus grande que celle qui y réside actuellement, et on y voit à présent beaucoup de vides et de lacunes. Mais le temps viendra, et cela bientôt, où ce sera la meilleure ville des Indes occidentales anglaises. Il y a aujourd'hui à Port d'Espagne un esprit d'entreprise commerciale bien différent de la somnolence de la Jamaïque et de l'apathie des petites villes. L'intérieur même de l'île est très peu connu, et il n'y a qu'une très petite partie qui soit cultivée. Tout récemment, on a fait une reconnaissance scientifique, et l'on prétend y avoir trouvé beaucoup de charbon, mais les résultats de cette exploration n'ont pas encore été publiés. On sait que cette colonie a, elle aussi, appartenu jadis à la France. Elle en a conservé le langage, les manières et la religion. Il y a un archevêque catholique dans l'île. Le gouvernement anglais lui paye des appointements, mais il ne les réserve pas à son propre usage et les emploie à des œuvres de charité. Après avoir touché encore une fois à Saint-Thomas, s'être promené une fois de plus au milieu des Espagnols, des Danois, des Nègres, des Yankees, population mêlée, médiocrement morale et intéressante, que l'amour de l'argent amène dans la station principale de la Compagnie royale anglaise, M. Trollope partit pour la Nouvelle-Grenade et l'isthme de Panama. Ses observations sur ces régions les moins connues peut-être du continent américain méritent d'être rapportées fidèlement. La Nouvelle-Grenade est, comme on sait, la plus septentrionale des républiques de l'Amérique du Sud. C'est la plus rapprochée de l'isthme dont elle comprend une partie considérable, puisque le territoire du golfe de Darien et le district de Panama sont compris dans les limites de la Nouvelle-Grenade. Il n'y a pourtant pas longtemps que la Nouvelle-Grenade formait une partie seulement de la République de la Colombie, dont Bolivar fut le héros. Comme les habitants de l'Amérique centrale trouvèrent nécessaire de diviser leurs États en plusieurs républiques, ainsi firent ceux de la Colombie. Les héros et patriotes de Caracas et Quito ne voulurent pas consentir à être gouvernés par Bogota. Et d'un État, on en fit trois. La Nouvelle-Grenade, dont la capitale est Bogota, Venezuela, dont la capitale est Caracas, à l'est de la Nouvelle-Grenade, et la République de l'Équateur, située au sud, avec Guayaquil comme port principal sur le Pacifique et Quito comme capitale. Le district de Colombie était un des plus splendides apanages du trône d'Espagne à l'époque où ces apanages étaient dans leur plus grand éclat. La ville et le port de Carthagène, sur l'Atlantique, étaient admirablement fortifiés, comme aussi Panama, sur le Pacifique. Les villes d'ordre inférieur étaient populeuses, florissantes et pour la plupart assez civilisées. Voyons pourtant ce qu'elles sont aujourd'hui. Voici la description de Saint-Marthe, le premier port où descendit M. Trollope. Sainte-Marie est un misérable village, bien qu'on l'appelle une ville, où nous conservons par une inconcevable cruauté un consul anglais et une poste. Il y a une cathédrale de vieux style espagnol, avec l'autel placé non dans le cœur, mais vers la porte occidentale, et, m'a-t-on dit, un archevêque. Il semble qu'il n'y a aucun commerce dans ce lieu, qui paraît tout à fait mort. Quelques enfants noirs ou presque noirs courent dans les rues à l'état de nudité. « Tous mes prédécesseurs ici sont morts de la fièvre, » me dit le consul d'un air de triomphe. « Que peut-on dire à un homme sur un sujet si sensiblement mortel ?»« Et ma femme a été prise de la fièvre 13 fois. »« Cieux, quelle existence !» C'est près de Sainte-Marthe que mourut Bolivar. En véritable anglais, notre voyageur ne manqua pas d'aller visiter la petite et simple villa où le 17 décembre 1830, le célèbre héros de l'indépendance rendit le dernier soupir. Carthagène, où il alla par mer en quittant Sainte-Marthe, est une plus belle ville, mais elle est aussi en pleine décadence. Elle n'est ni si désolée ni si morte que Sainte-Marthe. Les boutiques y sont ouvertes sur les rues comme dans toutes les autres villes. On voit quelques hommes et femmes à l'occasion sur la place. Il y a quelques commerces de volailles, sinon d'autres choses. Je rencontrai à Carthagène une famille du pays qui faisait un voyage, de Bogota au Pérou. En regardant une carte, on devrait croire qu'un voyage de Bogota à Buenaventura sur le Pacifique est facile et court. La distance à vol d'oiseau, à vol de condor, devrait-on dire plus exactement ici, ne serait que de 200 000 environ. Et pourtant, cette famille, où l'on comptait une vieille femme, était venu à Carthagène, après être resté 20 jours en route. Il lui restait à faire un long voyage de mer jusqu'à l'isthme et la traverser jusqu'à Panama, et à faire encore un voyage de mer sur le Pacifique. Le fait est qu'il n'y a aucun moyen de faire le voyage par terre, sauf par quelque chemin d'une extrême difficulté. Bogota est à 370 milles de Carthagène, et on peut à peine faire le voyage en moins de 14 jours. De Carthagène, M. Trollope se rendit par mer à l'isthme et débarqua à Aspinwall, d'où part le chemin de fer qui va à Panama. Aspinwall a pris le nom d'un des négociants de New York qui ont exécuté cette ligne si importante malgré sa petite étendue. C'est une petite ville misérable encore, malsaine, mal située, qui ne doit l'existence qu'au chemin de fer et à l'immense trafic dont elle est devenue le centre en peu d'années. La construction du chemin de fer de Panama a été, malgré la petite distance de cette ville à Panama, une entreprise des plus ardues. La difficulté principale a été le défaut de main-d'œuvre. La ligne a été percée à travers une forêt continue et sur la plus grande partie du trajet, le long de la rivière Chagre. Rien ne pouvait être plus malsain que de tels travaux, et en conséquence, les hommes périssaient rapidement. Le taux élevé des salaires avait attiré ici beaucoup d'Irlandais, mais beaucoup y trouvèrent leur tombeau. On essaya des Chinois, mais ils étaient tout à fait incapables d'un tel travail, et quand ils se trouvaient trop malheureux, ils avaient la mauvaise habitude de se pendre. Les ouvriers les plus utiles étaient ceux qui venaient de Carthagène, mais on ne les obtenait qu'à très grand prix. La ligne entière traverse des forêts et des taillis où l'on peut admirer l'épaisse végétation des tropiques, et elle présente par là beaucoup d'intérêt. Mais il n'y a rien de remarquable dans les paysages, pour ceux au moins qui ont déjà eu l'occasion de voir des forêts des tropiques. La végétation est si rapide que les bandes de terrain adjacentes à la ligne, et qui ont environ 20 mètres de largeur de chaque côté, doivent être défrichées tous les 6 mois. Abandonnées pendant 1 an, elles se couvriraient d'épais taillis de 12 pieds de hauteur. Tous les 4 000 environ, on rencontre de grandes maisons en bois, maisons coquettes, bâties avec beaucoup de goût, où demeure un surveillant avec un certain nombre d'ouvriers. Ces hommes reçoivent leurs provisions et tout ce qui leur est nécessaire de la compagnie. Car il n'y a ici ni village où des ouvriers puissent vivre, ni boutique où ils puissent faire leurs achats, ni main-d'œuvre disponible à volonté. Panama est sans aucun doute devenue une ville importante pour les Anglais et les Américains, et le nom en est aujourd'hui familier à nos oreilles. C'est pourtant un lieu dont la gloire est déchue. C'était jadis une grande ville espagnole, bien fortifiée, avec 30 000 habitants environ. Maintenant, les fortifications ont à peu près disparu. Les églises tombent en ruine, comme les vieilles maisons et l'ancienne population espagnole s'est évanouie. Quoi qu'il en soit, c'est encore la première ville d'un État, et le Congrès y siège. Il y a un gouverneur et des juges, mais sans les passagers de l'isthme, il ne resterait bientôt plus rien de Panama. À Panama, M. Trollope s'embarqua sur le vaisseau de guerre anglais Vixen, qui le conduisit à Punta Arenas, sur la côte de Costa Rica. De là, il fit un petit voyage par terre jusqu'à San José, la capitale de cet État, avec le capitaine du Vixen. Nous partîmes le premier jour sur un chemin de fer car il y a un tramway qui pénètre jusqu'à 12 000 dans la forêt. Nous étions traînés sur ce chemin de fer par une excellente mule. On nous avait recommandé de passer la première nuit à un endroit nommé Esparza, où il y a une décente auberge. Mais avant de quitter Punta Arenas, nous apprîmes que Don Juan Rafael Mora, le président de la République, venait par le même chemin, avec une nombreuse retenue, pour inaugurer les premiers travaux du canal projeté par un Français, M. Belly. Il devait sur sa route rencontrer son confrère, président de la République voisine, le Nicaragua, à San Juan del Sur, et c'est à quelque distance de là que devait commencer ce grand travail. Il se proposait de passer la nuit avec sa troupe à Esparza. Nous nous décidâmes en conséquence à pousser plus loin, et en effet nous y trouvâmes Don Juan. Il y était arrivé quelques heures avant nous, et sa suite remplissait le petit hôtel. Les jours suivants, les voyageurs s'élevèrent peu à peu au sommet du plateau élevé où se trouve la capitale San José. C'est une ville à l'aspect assez ordinaire, avec quelques monuments, une place, des casernes, etc. Elle est située à 4 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Aussi, bien que sous les tropiques, et à 10 degrés seulement de la ligne, elle jouit d'un bon climat et la chaleur n'y est jamais excessive. Aucun climat ne peut être plus favorable que celui de Costa Rica. La canne à sucre y vient à maturité beaucoup plus vite qu'à Demerara ou à Cuba. Le sol, sans engrais, y fournit 2 récoltes par an. Le café y vient très bien. Le sol est volcanique et d'une indescriptible fertilité. Et on a tous ses biens sans cette intensité de chaleur qui, dans toutes ces régions méridionales, accompagne généralement la fertilité tropicale, et y rend le travail mortel pour les Blancs. Je ne parle, bien entendu, que des parties centrales, qui sont à quelques milliers de pieds au-dessus du niveau de la mer. Le long des côtes de l'Atlantique comme du Pacifique, la chaleur est aussi grande et le climat aussi malsain que dans la Nouvelle-Grenade et les Indes occidentales. Il serait difficile de trouver une ville plus mal partagée sous ce rapport que Punta Arenas. Mais bien que le plateau de San José et l'intérieur de la contrée en général soient si favorablement situés, je ne puis pas dire que la nation soit prospère. Ceux qui réussissent le mieux ici, comme commerçants et comme agriculteurs, sont les Allemands. Presque tous ceux qui font des affaires sur une échelle un peu grande sont des étrangers, c'est-à-dire ne descendent pas des Espagnols. Il y a ici des Anglais, des Américains, des Français. Mais je crois que les Allemands sont le mieux mariés au pays. Les meilleures terres à café sont entre les mains des étrangers, ainsi que les plantations de canne et les scieries pour la préparation des bois. Leur tâche est difficile, la main-d'œuvre est extrêmement rare et chère. Le peuple n'est pas paresseux comme sont les nègres. Il aime l'argent et l'épargne, mais les habitants sont peu nombreux. Ils possèdent tous de la terre et sont à l'aise. Aux environs de San José, une journée d'homme vaut 5 francs. Encore ne peut-on toujours l'obtenir à ce prix. Les habitants de Costa Rica sont naturellement d'origine espagnole, mais ici, comme dans toutes les contrées voisines, le sang est très mêlé. Le sang espagnol pur est, je pense, une rare exception. Cela se voit mieux dans la physionomie que dans la couleur. Elle se remarque surtout dans les cheveux. Il y a un mélange de 3 races, de l'espagnol, de l'Indien aborigène et du nègre. Mais les traces de ce dernier sont relativement plus faibles. Les nègres, hommes ou femmes, tout à fait noirs, d'origine ou de famille purement africaine, sont très rares. Aux environs de San José, il y a une montagne volcanique dont le nom est Irazu. On m'informa qu'elle fumait encore, bien qu'évidemment elle ne donna point de lave. La contrée entière est remplie de pareilles montagnes. Il y en a une, le mont Blanco, dont le sommet n'a jamais été atteint. Telle est du moins la rumeur dans Costa Rica. Très distante, enveloppée d'autres montagnes, qu'on ne peut atteindre qu'en traversant d'épaisses forêts vierges. Elle lance encore, et cela constamment, de la lave enflammée. On a fait différentes excursions pour monter sur ce mont Blanco, mais jusqu'ici en vain. Il n'y a pas longtemps, l'ascension fut tentée par un baron français, mais lui et son guide restèrent 20 jours dans les forêts et s'en revinrent, faute de provisions. « Vous devriez faire l'ascension du mont Blanco, » me dit Sir William Housley. Sir William Housley était en ce moment à San José, occupé à traiter un traité avec le gouvernement de Costa Rica. « Vous êtes à l'aise, n'ayant rien à faire. C'est juste ce qui vous convient. » C'est ainsi que Sir William Housley faisait la satire de mes occupations habituelles. Je résolus pourtant de me contenter de l'Irazu. Nous ne suivrons pas notre voyageur sur le sommet de cette montagne qui s'élève, dit-il, à 11 500 pieds au-dessus de la mer. Nous n'y apprendrions rien d'autre que le récit de ses tribulations. Les volcans ne sont pas décidément son fait, et Sir William Housley se trompait. De San José, M. Trollope se rendit à San Juan, communément appelé aujourd'hui Greytown. Le voyage n'est pas très facile. Il faut franchir le faîte de la chaîne qui sépare les eaux du Pacifique de celles de l'Atlantique, passer la nuit dans de misérables ranchos, à 7 ou 8 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il y a une route jusqu'à un endroit nommé Desenganos, où les eaux des deux océans se divisent. Mais sur le versant qui descend vers l'Atlantique, les mulets ne descendent plus qu'avec une extrême difficulté, dans des sentiers à peine praticables. Qui croirait que, faute d'une route, tout le café qu'on récolte sur les plateaux élevés de l'intérieur ne peut se rendre dans les ports de l'Atlantique et va faire le tour du Cap Horn, avant d'être dirigé sur l'Europe. En descendant du pays élevé, on arrive à la rivière Serapiqui que les voyageurs descendent en canot, ainsi que la rivière San Juan où le Serapiqui se jette. Le Serapiqui est une belle rivière, très rapide, mais pas assez pour être dangereuse. Il n'y a pas une maison, pas même une hutte sur ses bords, et la forêt descend jusque dans l'eau. Dans les grands arbres sont suspendus les singes bavards, qui agitent leur vilaine tête devant notre bateau ou poussent des cris de colère en voyant leur territoire envahi. Les perroquets volent au-dessus de nos têtes en faisant leur musique particulière. À 3 heures, nous arrivions dans le San Juan. C'est la rivière par où le grand lac de Nicaragua se déverse dans la mer, le chemin suivi par toutes les compagnies de transit qui se sont établies d'un océan à l'autre dans le Nicaragua. Les flibustiers ont tant fait que tout transit est banni de ses eaux. C'est aussi la ligne que M. Belli a choisie pour son canal. Elle a vu de terribles scènes de meurtre et de cruauté. Aujourd'hui, la rivière coule paisiblement, dans son lit large et peu profond, entre les ranchos et les dépôts de quelques sauvages colons qui sont venus chercher un asile sur ces bancs tristes, solitaires et brûlés de soleil. Le lendemain matin, nous atteignîmes Greytown en suivant la rivière San Juan. Il y a un autre passage qui conduit à la mer par le Colorado, une branche qui, sortie de San Juan, rejoint l'océan par un plus court chemin. On a songé à choisir cette ligne pour le canal projeté, de préférence au San Juan. Je crois ces deux lignes également impraticables. Le San Juan lui-même est si peu profond que nous touchâmes souvent le fond, même avec notre léger canot. Et que dirais-je de Greytown? Nous y avons un consul général, dont le devoir est de tenir sous sa protection spéciale le roi de Mosquiti, comme certaines personnes se plaisent à appeler cette côte, ou de la côte des Mosquitos, comme on la nomme plus généralement. Bluefields, à quelque distance sur la côte, est la résidence préférée de ce tyran nègre, mais Greytown est la capitale de son territoire. De tous les endroits où j'ai jamais mis le pied, Greytown est, je crois, le plus misérable. C'est une petite ville de 2 000 habitants à peu près, placée à l'embouchure de San Juan, et de toutes parts entourée d'eau et de forêts impraticables. Une promenade d'un mille est impossible dans toute autre direction que la plage de la mer. mais ceci n'a que peu d'importance, parce que la chaleur continuelle fait qu'on ne songe point à prendre de l'exercice. Quelques Américains vivent ici, adorant le tout-puissant dollar comme font les Américains, et ouvrant des boutiques d'eau-de-vie et des comptoirs. On y trouve aussi quelques Anglais et quelques Allemands. En fait de femmes, je ne vis que quelques négresses, et une femme blanche, ou plutôt rouge, dans une boutique de Rome. La population indigène se compose d'Indiens mosquitos, quoiqu'il paraisse qu'on leur permette à peine de vivre à Greytown. On les voit se promenant dans leurs canots, vendant quelques œufs et des poules, attrapant des tortues, ou assez fréquemment en train de s'enivrer. De l'isthme américain, M. Trollope se rendit aux Bermudes, archipel composé de 365 îlots, encadré par un dangereux récif sous-marin dans un espace de 20 milles de longueur et de 3 milles de largeur. Nous donnons dans notre ouvrage la gravure qui représente le principal mouillage de cette possession britannique. Ainsi s'achève le voyage de M. Trollope dans les Indes occidentales par Auguste Logel.